les jours, les heures. Ça fait déjà 6 mois ton absence. Et quand on me demande tes news, je mange, je dis que t'as pris des vacances. Je sais que t'es loin des yeux, mais tu vas rester près de mon cœur. Même enfermé entre 4 murs. Tous ces allers-retours pour 30 minutes, c'est tout ce que j'ai. Ne me demande pas de pas venir, je vais pas tenir. Je sais qu'il faut que je l'accepte, mais ça me rend pas haut. Faut pas que tu te prennes la tête, c'est comme ça je paye le tarot. C'est un combat à chaque lettre, chaque mot me met KO. Je vois plus le devant de la scène, car je suis derrière les barreaux. Allô ma belle, j'espère que tu tiens le coup. Je me bute au sport et à la résine, à part ça rien de fou. J'ai eu ta lettre, au fait elle m'a touché, mais je peux pas le montrer ici, je suis obligé de tricher. Je voulais manger la vie, au final je me fais boire par ce système et cette justice qui m'ont fait croire qu'elle existe. Et s'il te plaît ne viens plus au parloir, c'est pas que je veux pas te voir, c'est juste que je veux pas t'émouvoir. Arrête de compter le temps, c'est pour ça qu'il est plus lent. Si t'as plus de nouvelles de moi, c'est que j'ai été virulent. Prends des sous dans la cachette pour payer l'avocat, mais n'attends rien de lui, je demande à Dieu pour la baraka. De toute façon ils sont là que pour arnaquer. J'optimise le temps, je sortirai instruit et baraqué. Je t'appelle ce soir là, je vais en promenade. Mais merci pour tout, ton amour est indétrônable. Je sais qu'il faut que je l'accepte, mais ça me rend pas haut. Faut pas que tu te prennes la tête, c'est comme ça je paye le tarot. C'est un combat à chaque lettre, chaque mot me met KO. Je vois plus le devant de la scène, car je suis derrière les barreaux. J'compte les minutes, les secondes et toutes les heures. Si t'es loin de mes yeux, tu restes près de mon cœur. Les minutes, les secondes et toutes les heures. Même si t'es loin des yeux, tu restes près de mon cœur. J'compte les minutes, les secondes et toutes les heures. Si t'es loin de mes yeux, tu restes près de mon cœur. Les minutes, les secondes et toutes les heures. Même si t'es loin des yeux, tu restes près de mon cœur.